ensemble, les jours survivent et se rassemblent à la queue de janvier à décembre. Jusqu'en Israël suivent et se ressemblent, les jours survivent et se rassemblent à la queue de janvier à décembre. Jusqu'en décembre.